Chapitre 8, quatrième partie, les royaumes de Germanie et d'Italie depuis 843, par André Berthelot. Louis le Germanique et son royaume. Louis le Germanique était en apparence le moins favorisé des trois copartageants de 843. Son royaume était le plus pauvre. Cette Germanie, naguère barbare, n'avait presque pas de ville, sauf sur le Rhin et le Danube. Seulement quelques grandes abbayes comme Saint-Gall, Lorch, Fulda, Corvéi, la nouvelle Corbie, qui devaient conserver et propager la culture. Enfin, il n'y avait pas plus de sentiment d'unité nationale entre Saxons et Bavarois qu'entre Provençaux et Frisons, Neustriens et Aquitains. Au fond, Louis le Germanique était le moins faible des trois successeurs de Louis le Débonnaire. C'est lui qui régnait sur le territoire le plus compact, le mieux préparé à servir de cadre à une nation. Sauf la Rhétie, il ne renfermait que des pays de langue allemande. Plus récemment civilisés, les Bavarois, les Saxons, étaient moins usés que les Francs de Neustrie, les Lombards ou les Gallo-Romains. Il restait plus de propriétaires, d'hommes libres, habitués à combattre sous le roi. La base de l'organisation politique et sociale continua d'être formée par ce grand nombre de propriétaires libres. Le développement de la féodalité se fit en Allemagne comme en France, mais beaucoup moins vite. La royauté continua de s'appuyer sur le peuple. Si l'unité nationale n'était pas achevée, l'organisation établie par les conquérants carolingiens était plus forte, moins contrariée par la multiplicité des petits groupes déjà constitués sur le sol. La nécessité de l'alliance entre l'Église et la royauté était plus manifeste dans ce pays récemment conquis, et même d'anciens adversaires, comme les archevêques de Mayence, Otgar et Rabanmore, servirent les intérêts de Louis. Cette alliance fut très favorable à l'Église et au pouvoir royal. Le clergé put poursuivre l'instruction des Germains. Les évêques, peu nombreux, régnant sur de vastes diocèses, ne se trouvèrent pas contre les grands laïcs en conflit aussi marqué que dans le royaume des Francs occidentaux. Il y eut presque une Église nationale. Les actes des trois conciles de Mayence sont significatifs. Dans le premier, octobre 847, on s'entend pour instruire le peuple dans la religion chrétienne en lui parlant sa langue. Pour protéger les hommes libres et éviter que les grands, laïcs ou ecclésiastiques, les dépouillent de leur liberté. Le second, octobre 848, condamne l'hérétique Gottschalk. Le troisième a tout à fait le caractère de concile national. Non seulement on y voit les archevêques de Mayence et de Salzbourg avec leurs suffragants, mais des évêques dont la métropole ne dépendait pas de Louis, ceux de Münster et d'Osnabrück, suffragants de Cologne. Louis le Germanique prit son principal point d'appui sur la Bavière. Sa résidence préférée fut Ratisbonne. Toutefois, il ménagea les Francs, vallée du Main, du Neckar au Haut-Weser, dévoués à la dynastie, et vint souvent à Francfort. Les Saxons, assez favorables à Lothaire, avaient été comprimés et cessèrent toute résistance. Les Alamans aussi. Les premières années du règne s'écoulèrent donc tranquillement. Lutte contre les Slaves. Les Saxons au nord contenaient les Danois et Normands. Sur la longue frontière de l'Est, partout on avait affaire aux Slaves. Mais ceux-ci ne formaient de groupes compacts et redoutables qu'au nord de l'Elbe, au Beautrite, en Bohême et en Moravie. Les Obotrites furent vaincus, 844 et 862. Les Bohèmes alternativement vaincus et vainqueurs. Mais ni les uns ni les autres ne se rendirent dangereux. Les Moraves le devinrent sur la fin du règne de Louis le Germanique. Vers 855, leur chef Rostislav se souleva et rendit dévastation pour dévastation à ses ennemis. En 862, il profita de la révolte de Carloman contre son père pour faire périr Pribina, chef des Slaves chrétiens de Pannonie, Slovène, allié de l'Empire. Les Germains finirent par s'entendre avec son neveu, Svatopluk, ou Sventibold, qui leur promit fidélité et leur livra Rostislav, chargé de chaînes. Condamné à mort par le jugement des Francs, le chef des Moraves eut les yeux crevés, 870. Mais, en lui substituant son neveu, on n'avait pas gagné au change. Carloman, le fils de Louis le Germanique, qui administrait la marche orientale, l'accusa de trahison, puis le relâcha. Svatopluk extermina l'armée bavaroise, se fit rendre les otages moraves, 871. L'année suivante, il vainquit de nouveau Carloman, 872. Il fallut lui reconnaître la principauté des Moraves en échange d'un tribut. Quelques années après, Svatopluk reprit les armes, défit les Allemands sur le Raab et établit dans la marche orientale un de ses protégés, 884. Il étendit son royaume jusqu'à la Vistule et soumit les Tchèques de Bohême. Guerre civile et partage. Les ravages des Slaves et même des Normands n'intéressaient que les frontières de Louis le Germanique, mais son royaume fut troublé, comme les autres, par l'ambition des fils du roi. À la diète de Ratisbonne d'avril 862, Louis le Germanique dépouilla de leur charge le margrave Ernest de Bavière et tous ses parents. Ceux-ci, d'accord avec Adalard, négocièrent avec le roi des Francs occidentaux et poussèrent Carloman, gendre du margrave Ernest et préposé depuis 5 ans à la marche orientale, à se soulever contre son père. Il changea les comtes de Carinthie et Pannonie. Mais ces créatures passèrent au parti de son père, qui vint le relancer en Carinthie et le força à se soumettre, 862. En 865, Louis le Germanique partagea ses états entre ses 3 fils. L'aîné, Carloman, eut la Bavière avec la Carinthie et la suzeraineté sur les Slaves de Pannonie et Moravie. Le second, Louis, dut commander aux Francs orientaux, aux Thuringiens, aux Saxons. Le troisième, Charles le Gros, aux Alamans. Le père se réservait sa vie durant l'autorité et ne donnait pas à ses fils la couronne royale. Chose curieuse, c'est le second fils, Louis, qui fut mécontent de son lot. Poussé par des parents du comte Adalard, il se souleva, 866. La réconciliation eut bientôt lieu. Après l'agrandissement obtenu au congrès de Mersenne, 870, Louis le Germanique fit un nouveau partage, tout au bénéfice de Carloman. Les 2 autres frères se soulevèrent. Au bout d'un an, le père se décida à céder et partagea ses nouvelles acquisitions entre ses 3 fils. Diète de Forheim, 872. En 873, Charles et Louis le Jeune complotèrent de se rendre maîtres de la personne de leur père pour le forcer à abdiquer. Charles le Gros, faible d'esprit, fut pris de terreur avant l'exécution, et son attitude révéla tout. Louis le Germanique pardonna. Il abandonna à ses fils toute l'administration de leur futur royaume, se réservant seulement la décision des affaires les plus graves. Le royaume d'Italie, état politique, religieux et social. La situation de l'Italie n'était pas meilleure que celle de la Gaule ou de la Germanie. Dans l'Italie nouvelle, la royauté avait moins à craindre l'aristocratie laïque, dont un clergé riche et indépendant, des villes, avec une bourgeoisie active, contrebalançait l'ascendant. Mais elle était aux prises avec des difficultés d'un autre ordre. Le roi franc n'est, comme le roi lombard, vraiment maître que du bassin du Pô. Dans la péninsule, il lui faut compter avec le pape, les ducs de Spolète et de Bénévent, les Byzantins, maîtres encore de la côte, les envahisseurs sarrasins qui la leur disputent. Il use ses forces, en efforts à peu près stériles, pour implanter son autorité dans l'Italie méridionale. Les rapports qu'à titre d'empereur il a avec le pape sont une cause de faiblesse. Quand la dignité impériale sera vacante, ceux qui convoitent ce grand titre viendront le demander à Rome, vieille capitale de l'Empire romain et résidence du pape, lequel prétend en disposer. Non seulement l'unité de l'Italie est moins préparée que celle de la France ou de l'Allemagne, mais l'Italie est déjà divisée entre le pouvoir laïque et le pouvoir ecclésiastique, sans l'accord desquels l'unité ne peut être établie. L'empereur Lothaire continue de résider au nord des Alpes, dans l'Austrasie, centre historique de la monarchie franque. Il charge son fils Louis du gouvernement de l'Italie avec le titre de roi. La capitale était Pavie. La première difficulté était de conserver l'ascendant repris en 823 par Lothaire lui-même sur Rome et la papauté. Il lui fallut s'appuyer sur les églises de Milan et de Ravenne. Mais, dès la première année, Louis se montra inférieur à sa tâche. Les Romains avaient élu et ordonné un pape, Serge, sans attendre le consentement de l'empereur. Celui-ci envoya une armée commandée par son fils, et Drogo, évêque de Metz et bâtard de Charlemagne, pour faire valoir ses droits. Louis se laissa gagner par le pape qui avait menacé de lui refuser l'entrée. Venu pour le déposer ou du moins pour le confirmer, c'est lui qui jugea nécessaire une confirmation de son pouvoir. Il se fit oindre et couronner roi d'Italie. Drogo reçut le titre de vicaire général du pape en Gaule et Germanie. Mais l'armée franque n'entra même pas dans Rome et les archevêques de Reims et de Narbonne, déposés à cause de leur dévouement à Lothaire, ne furent pas rétablis. 844. À partir de cette époque, les papes se soustraient à l'indépendance de l'empereur. C'est à eux que passe la prépotence. Léon IV, consacré sans l'assentiment impérial, 847, couronne empereur Louis II en 855. De plus en plus, la couronne impériale se détache de la monarchie franque et se rattache à Rome. Ravage des Sarrasins. Les plus redoutables ennemis de l'Italie étaient les pirates sarrasins qui partaient des côtes septentrionales d'Afrique pour la ravager. Ils achevaient de conquérir la Sicile où ils étaient débarqués en 827. Messine, 831, Palerme, 832, tombèrent. Syracuse résista jusqu'en 878. Quand les Byzantins eurent perdu la Sicile, leurs flottes ne mirent que peu d'obstacles au pillage des corsaires musulmans. Ceux-ci s'attaquent à l'Italie méridionale. Ils méditent même de s'emparer de la ville du Vieux-Pierre, le chef-lieu de la chrétienté est directement menacé. Grégoire IV relève les fortifications d'Ostie pour mettre Rome à l'abri d'un coup de main. En 847, ses faubourgs sont brûlés. Le pape Léon IV fit preuve de beaucoup d'énergie. Il assista à la bataille d'Ostie, où fut détruite par les Campaniens une flotte sarrasine. 849. Il entoura de murs le faubourg du Vatican sur la rive droite du Tibre, mettant Saint-Pierre à l'abri. 848-852. Le quartier a gardé depuis le nom de cité léonine. Les riches cités maritimes de la Campanie, Salerne, Amalfi, Naples, Gaète, revirent souvent l'ennemi. Elles avaient du reste autant à se défendre contre les ducs lombards de Bénévent et de Capoue, et ne pouvaient guère compter sur l'assistance de leurs suzerains, les empereurs d'Orient. Les progrès des Sarrasins devinrent tels qu'en 866, l'empereur Louis II ordonna une levée en masse des Alpes aux Vulturnes. Quiconque possédait en bien meuble la valeur de son vergeld dut venir à l'armée. Les pauvres défendraient les côtes et les places de la frontière. Par ce grand effort, il réduisit Capoue, Naples, Salerne, Bénévent. La Pouille, Apulie, fut enlevée aux Sarrasins en blocade en Bari. Le départ de la flotte grecque retarda la prise de cette forteresse des Sarrasins. Elle ne succomba qu'en 871. Tous ces avantages furent bientôt perdus. Les ducs lombards appelèrent les Grecs qui reprirent le dessus dans l'Italie méridionale. Pour résister aux Francs, les villes de Campanie s'allièrent aux Sarrasins. Les 900 moines du Vulturne furent égorgés. Le célèbre couvent du Mont Cassin brûlé. En 875, on ne put ni moissonner ni ensemencer la campagne romaine. Telle était la situation au moment de la mort de Louis II, 12 août 875.